Ma courgette. La liberté, c'est quoi? C'est quand et à quel moment disparaît-elle comme le vent qui fait? Quitte-moi, non, c'est moi. Qui fait? Quitte-moi, non, c'est moi. Qui se met les contraintes? Qui est le premier à craquer? Où est-ce qu'elle est cette liberté? Nos humeurs veulent la réclamer. Quand faut-il la repousser? S'aimer sans la possession, s'aimer sans faire disparaître notre liberté de connaître une nouvelle liberté. Maintenant que je suis née, il me manque des repères, des tas de piliers à remonter et des ampoules pas trop chères. La liberté, je la hais, la liberté, je la hais.